Que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Deux skieurs juifs qui se croisent. Je crains le pire. C'est une histoire raciste. Non. Shalom. Ah oui, mais slalom. Non. Mais non. Mais non. Mais non. C'est un jeu de mots. Slalom. Non, mais recommence, Maurice. Non, bah, on va faire comme si tu l'avais pas faite. Alors, Maurice, une petite blague. Alors, que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? On sait pas. On sait pas. Shalom. Mais non. Oh mais abattez-le. Comment il appelez le docteur Bonne Maison. Oh non. Mais non. Envoyez-le à Pau, c'est pas possible. Shalom. Shalom. Voilà. Eh ben, t'y arrives alors. Alors Maurice, une petite blague. Alors que de... Que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Shalom. Attends. On n'a pas le temps. Alors Maurice, une petite blague. Benjamin est consterné. Moi j'aime autant vous c'est... le dire. Non mais c'est que c'est une expérience après tout. C'est vrai. Que se... Non, pose la question à Benjamin. Alors, découverte de cher Benjamin. Ah oh, bah non, mais quand j'ai même. Les formes un peu. Non mais quand même. Mon cher Benjamin. Allez, on va la refaire. Tu vas voir. La prochaine fois, il va bugger à Mont. Mon cher Benjamin Leblanc. Pan. Que se disent deux skieurs juifs qui se croisent? Par contre, il ne me regarde pas du tout. Non, c'est ça qui... Non, parce qu'il a peur de ma réaction, c'est pour ça. Alors là, il faut que tu lui dises, je sais pas. Là, il faut dire, je sais pas. Ah, je n'en ai, mais alors, absolument aucune idée. Shalom. Shalom. Oh, non.